Vous écoutez toujours Futur Simple, toujours sur CKRL au 89,1. Et pour terminer l'émission, on va rester un petit peu dans le côté catastrophe, mais cette fois-ci de façon plus ludique. On va aller voir le film 2012 qui annonce la fin du monde, je pense. C'est ça. Comme les Mayas, d'après le calendrier Maya, qui n'allait pas plus loin que 2012. Mais qu'est-ce qu'il y a de scientifique là-dedans, finalement? Est-ce qu'on peut s'y fier? Alors, c'est notre chroniqueuse Adeline Parent qui a ausculté l'aspect scientifique du film. Et elle va nous dire si nous devons avoir peur ou non. Bonjour Adeline. Bonjour Valérie. Bon alors, le fameux film 2012 parle de beaucoup de choses en soi, mais je ne vais pas m'intéresser au calendrier Maya, je vais plus m'intéresser aux faits qu'on voit à l'intérieur du film en fait. Donc je rappelle en fait le synopsis du film. Donc c'est pour des raisons inconnues, le soleil se met à émettre des neutrinos. Alors, qu'est-ce que les neutrinos ? Ce sont des petites particules d'énergie qui se créent lors de la fusion à l'intérieur du Soleil, c'est-à-dire quand les protons et les électrons se combinent dans le noyau pour former des neutrons. Ces fameux neutrinos qui habituellement traversent la Terre sans encombre, comme par hasard, se métamorphosent en rayonnement micro-ondes. Ils font donc chauffer le cœur de la Terre et le magma remonte alors violemment. Il déclenche alors éruptions volcaniques, séismes, dérives des continents, tsunamis, et ainsi de suite. D'accord. Donc là, micro-ondes, c'est quoi le rapport entre les neutrinos et les micro-ondes ? En fait, c'est exactement la question. Ces particules, normalement, ne se métamorphosent pas en rayonnement. C'est pas possible en soi. Le seul phénomène qui s'en rapprocherait concerne une petite particule hypothétique appelée axion. L'axion est proposé en fait comme l'un des constituants possibles de la matière noire. Il a la capacité de se transformer en photon en présence de forts champs magnétiques, mais ce n'est qu'une théorie en soi. Voilà. Et en plus, dans le film, ils n'en parlent pas. Ils mettent en avant justement les neutrinos plutôt que l'axion. Donc voilà. Et puis à propos du volcanisme spectaculaire qu'on voit dans le film, c'est pareil aussi, pourquoi cette énergie, ces micro-ondes déclencheraient un volcanisme? Il y a effectivement un lien, mais là je vais surtout m'intéresser au fait que le volcanisme intense commence à Yellowstone aux États-Unis. Ouais. Alors ça commence mal parce qu'en fait c'est très peu probable en soi. Ah bon? Oui, si, imaginons, on suppose que le noyau de la Terre donc, commence à chauffer, que le manteau terrestre devienne de plus en plus fluide. Le magma emprunterait en premier temps les cheminées volcaniques déjà existantes. Mais on ne parle pas d'un immense volcan sous Yellowstone ? Si. Il n'y a pas eu dans le temps jadis... Si, mais il est bouché. Il est bouché, c'est d'accord. Exactement le principe d'une piscine. Okay. C'est exactement le principe d'une piscine. Imaginons, on a une piscine qui est trouée à des endroits, d'autres endroits, on a mis des patchs. Si jamais on la remplit d'eau, préférentiellement, les endroits qu'elle va emprunter, c'est les endroits qui ne sont pas bouchés. Ouais. Donc ça va se vider au fur et à mesure. D'accord. C'est tout. Ouais. Donc Yellowstone, c'est bien beau, mais avant qu'il y ait eu Yellowstone dans le film, normalement, il y aurait dû y avoir le piton de la Fournaise dans l'île de la Réunion ou encore les volcans à Hawaï, exactement. En plus, dans le film, on voit à un moment donné un bombement de terrain qui fait environ 10 km², juste avant la grosse explosion qu'on va voir. Or, c'est beaucoup trop faible par rapport aux événements apocalyptiques qui vont suivre. Mm-hmm. 10 km², c'est vraiment rien du tout. Et non loin de cette zone-là, donc toujours dans la zone de Yellowstone, on découvre une immense faille gigantesque qui engloutit des voitures, des piétons et tout. Sauf que ce mécanisme, le principe de la faille béante, en fait, c'est un mouvement d'extension. Alors si on reprend, on a donc une faille avec une extension, on a dans une zone A une énorme remontée magmatique, donc qui crée un bombement. De l'autre côté, dans la zone B, la fameuse zone où on trouve cette faille là ouverte, normalement c'est justement, c'est pas des failles ouvertes qu'on devrait avoir, c'est justement des failles de compression en fait. Pour compenser l'extension dans une zone A au milieu, le bombement, tout autour on devrait avoir des failles en compression. Ouais. Ça se resserre là, l'épi se resserre. Exactement. Plutôt que le contraire. Ouais. Ensuite, alors là, il y a le moment héroïque que j'adore. Donc, tout s'effondre autour d'eux. Il y a le père et sa fille qui partent dans un camping-car et ils vont chercher en fait des cartes de la région émergée. Mm-hmm. Peu importe. Ce qui est important de noter, c'est que à un moment donné, il regarde dans son rétroviseur et il voit un immense champignon atomique. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une bombe explosive, c'est un principe de volcanisme. C'est l'un des. Ça s'est passé en fait au Mont Sainte-Hélène en 1980. C'est un peu ça ce qui se passe dans le film. Sauf que là, c'est un problème de cohérence en fait. Si à l'intérieur de la Terre, il y a le magma qui chauffe, d'accord ? Donc on évoque du 1700 degrés Celsius au niveau du manteau, la lave doit être très très fluide en fait. Et donc couler le long des volcans plutôt que de donner lieu des éruptions. Ok. Donc ça là, peut pas faire une explosion avec des choses en hauteur. Là, c'est, non, voilà. Avec un nuage, c'est quelque chose qui coule, qui est fluide, qui se répand. Exactement. Sur les flancs. D'accord. En fait, c'est juste les scénaristes qui ont mélangé en fait deux volcanismes différents. Ouais. C'est-à-dire le volcanisme explosif avec la lave visqueuse, ouais, donc la fameuse explosion, etc. Et ils l'ont confondu avec le volcanisme effusif qui, lui, dans nos principes de chauffement en fait, du manteau, avec la lave très fluide, justement, devrait avoir de longues coulées limpides, etc., passer dans les fissures et tout, et pas exploser. Mm-hmm. Donc là, les scénaristes, problème, mm-hmm, ça va pas avec leur scénario finalement. Ouais. Petit point positif, parce que bon, tout n'est pas tacheté, les effets spéciaux sont excellents, mais si jamais on doit leur donner un point positif dans la partie... volcanisme. Ouais. C'est le célèbre geyser, en fait, qui est un ancien volcan de point chaud. Il laisse d'abord échapper une grande quantité de vapeur, donc le fameux volcan de Yellowstone, là. Et donc, c'est scientifiquement correct. Dans les volcans donc explosifs, c'est d'abord l'eau qui s'évapore et qui se trouve éjectée, mm-hmm, avant, d'accord, effectivement, l'épanchement de lave, etc. Donc, mis à part cette exactitude sur le geyser, le reste, sur bon, le type de faille et puis le type de, ouais, volcanisme, il faudrait qu'il refasse sa leçon. Voilà. D'accord. Il y a aussi plusieurs tsunamis qui surviennent au large des côtes chinoises et indiennes. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, c'est ce qui est contradictoire, encore une fois, dans la logique du film. Avec ce qui se passe au Japon, maintenant, on a bien compris qu'un tsunami est généré par un séisme, qui est donc la conséquence de la tectonique des plaques. Mm-hmm. Donc, cela suppose que la lithosphère de la Terre, qui est donc formée... La croûte, là, quand tu dis la lithosphère. Exactement. Croûte et une partie du manteau supérieur. Ouais. D'accord. Doit forcément, premièrement, garder sa rigidité. Deuxièmement, accumule les frottements donc des contraintes. Et troisièmement, les relâche brutalement lors d'un séisme. Encore une fois, dans le film, ils expliquent que, justement, la chaleur du noyau terrestre contribue à réduire et à faire perdre la rigidité de cette fameuse lithosphère. Mm-hmm. Donc, elle n'accumule plus les contraintes. Ah oui, elle peut relâcher au fur et à mesure son surplus d'énergie. Puis, exactement. Ouais. Donc ça, c'est pas possible. Ouais. Donc, pas d'immenses tsunamis, etc. Ah. Oui, des petits séismes en surface, mais pas les gros tsunamis. Ouais. Encore une fois, ils ont fait un petit point qui est correct. C'est la température maximale de lave en fait qu'on peut trouver en surface. Dans le film, ils disent qu'elle est à peu près à 1350 degrés. Mm-hmm. Bon, on sait que les roches ont une très mauvaise conductivité thermique. Dans le film, il y a la rapidité de remontée est très rapide. Bon, si effectivement on veut atteindre un 1350 degrés, ce serait possible en fait. Mm-hmm. Si la lave remonte très très vite, étant donné qu'elle aura du mal à se refroidir rapidement, ce serait donc possible. D'accord. Et au final, qu'est-ce qui se passera si le noyau de la Terre se mettait à chauffer de manière totalement extravagante? Bon alors, la température du noyau terrestre aujourd'hui est estimée à 5000 degrés. Donc imaginons que cela s'emballe. Donc on, ouais, regarde le principe du film. Il faut comprendre que les roches du manteau sont donc très mauvaises conducteurs thermiques. Le transfert de chaleur se fait donc très très lentement et ça prendrait des milliers, enfin des dizaines de millions d'années. Ouais. Impossible. Ça ne marche pas. Mais en tout cas, on aurait des trois grands points. On aurait le manteau qui deviendrait donc plus fluide qu'aujourd'hui. Ouais. Là, en ce moment, il est visqueux. Le moteur de la tectonique des plaques, c'est le mouvement de convection dans le manteau, il s'accélérerait. Aujourd'hui, par exemple, on a quelques centimètres par an de système de mouvement de plaques. Bon, dans le film, la Chine, elle s'est déplacée en 3 ans de 2500 kilomètres. Oh. Ça non plus, faut pas abuser. Ouais. Ce n'est pas c'est un possible. Peu trop rapide. Dans les films, tout est possible. Oui, dans les films, tout est possible, effectivement. Ensuite, la température excessive réduirait la partie cassante de la croûte. Mm-hmm. Et donc, seuls les séismes superficiels persisteraient. Donc, c'est ce que je t'expliquais tantôt, c'était qu'il n'y aurait pas de tsunami. D'accord. Et puis, bon, finalement, la fin du film met en scène des arches d'acier immense qui sont réalisées en à peine 6 mois. Comment c'est possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, c'est purement simple. C'est pas un problème de main-d'œuvre. On pourrait tous s'y mettre, etc. C'est un problème de matière première, en fait. Il n'y a pas actuellement sur le marché des stocks d'acier suffisants pour réaliser de tels ouvrages. Ah oui. C'est clair. Il y a une quantité limitée dans la... Là, en ce moment, il faudrait qu'en même temps, il y ait des gens qui creusent, qui trouvent l'acier, etc., qu'on fasse fondre d'autres choses. Qu'on écrapoutisse toutes les voitures, puis qu'on récupère l'acier de partout. Non, mais donc, à ce moment-là, les gens se seraient rendu compte qu'il y a un problème parce qu'il n'y a plus d'acier sur le marché. Enfin, Voilà. En tout cas, là, ce qu'on note aussi, c'est que ici, il parle d'acier trempé, donc c'est un alliage de fer et de carbone. Et en plus de ça, on y ajoute généralement de l'aluminium, du chrome, etc. Et aussi, l'acier trempé demande beaucoup de préparation. Donc, même s'il n'y a pas assez de stock, imaginons on récupère tout le stock quand même. Il faudrait en plus rajouter de l'aluminium, il faut rajouter du carbone, il faut rajouter un, mm-hmm. et il faudrait faire la préparation. Et on parle de 6 mois. Six mois, ils ont construit. Mmh. Donc, en fait, dans le principe, il faudrait que, avec une armée d'architectes et d'ingénieurs, il y ait 6 mois de préparation. Ouais. Et après 6 mois de construction. Donc, ouais. dans tous les cas, voilà. Ouais. En imaginant qu'on a les stocks, bien sûr. Ouais, ouais. Ensuite, bon, il y a trois petits points pour finir. Les concepteurs, par exemple, à un moment donné, décident de construire des arches les unes à côté des autres. C'est une débilité. c'est une vague. Donc, il y a des vagues qui vont normalement déferler sur la zone de montagne où se trouvent les fameuses grandes arches. Elles vont donc se heurter les unes aux autres. Et effectivement, c'est ce qui se passe dans le film. Ouais. Elles se heurtent aux unes aux autres. Donc, il aurait été plus judicieux de les éloigner l'une des autres, pas les mettre côte à côte. Ensuite, à un moment donné, il y a une des arches qui rentre en collision avec l'Everest. Bon, il y a des roches qui s'écroulent sur elle et tout. Et, chose magique, les vitres n'explosent pas. Sauf que actuellement, personne ne sait fabriquer des vitres qui résisteraient à de tels impacts. Seul l'acier sait le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en acier trempé, les fameux bateaux. Ouais. La dernière petite incohérence qui m'amuse en tant que géologue pétrolière, c'est que in extremis, à la fin, l'arche reprend la mer et évite une collision fatale. Et à un moment donné, on voit ces petits moteurs qui se remettent en marche et qui éjectent une petite bouffée de fumée noire dans le ciel. Donc, ça veut dire que des super vaisseaux sophistiqués, ainsi trempés avec des vitres qui explosent pas, sont à l'énergie fossile. Ouais. Oui, mais c'est bien sûr. C'est oui, d'une bien logique. Sûr. C'est fossile, hein, ça reste longtemps. Non, oui, mais enfin, en tout cas, moi, ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils ont embarqué dans leur stock des armadas de charbon et de pétrole pour pouvoir justement continuer à flotter sur les eaux. D'accord. Donc finalement, c'est quand même, j'imagine, c'est quand même un bon divertissement. Si on fait, on fait abstraction de toutes ces inexactitudes scientifiques, mais on peut quand même y aller pour les effets spéciaux sont géniaux. Et ça vaut le coup de le voir sur grand écran. Sur petit écran, c'est moins bien. Mais si jamais il y a des neutrinos qui traversent la Terre et que la chaleur de la Terre augmente épouvantablement, ça ne se passera pas comme ça. Ce ne sera pas possible. En tout cas, ça prendra des millions d'années avant qu'on voit quoi que ce soit, nous. D'accord. Ben, merci beaucoup, Adeline, pour ce moment de divertissement scientifique. C'était quand même assez distrayant, il faut bien le dire. Donc, juste le petit mot de la fin. Donc, à la fin de l'émission, c'est le temps de remercier l'équipe d'aujourd'hui, les chroniqueurs, Mélanie Jean et Adeline Parent, et également nos invités Gwenaëlle Carrère, Grégoire Levrel et Sandra Pro-Makinis, tous trois étudiants à l'INRS. C'était Valérie Levé et François Grégoire à l'animation et à la mise en onde. Donc, je vous rappelle que vous pouvez réécouter les chroniques et les entrevues sur la page Facebook de FuturSim. Vous pouvez aussi réagir, ça nous fera plaisir. Posez vos questions, on tentera d'y répondre. FuturSim vous dit à la semaine prochaine, et dans quelques instants, ce sera Mezzanine avec Michel Drolet.